Il manquait plus que nous, il manquait plus que ça. Et ILF c'est là, Moubaraka. T'as des comptes à nous rendre toi. Préviens le banquier, le notaire. Nos PQ sont pleins de prêts à Nanterre. C'est l'heure des comptes, des coups de fusil pour retentissent. La délinquance est multipliée par 10. Faut que ça tourne à chaque fin du mois. On squatte la SACM pour encaisser les mappés, ça. C'est l'heure des comptes, des coups de fusil pour retentissent. La délinquance est multipliée par 10. Faut que ça tourne à chaque fin du mois. On squatte la SACM pour encaisser les mappés, ça. Entrée, j'ai un sol B de façon 9-4 City. C'est mon paracomac avec mes poteaux de Vitry. Je regarde ma montre et je vois c'est l'heure des comptes. J'lève mes legs comme une bombe où les mecs se la racontent. De CMC je me démarque, je suis pas de ces rappeurs là qui tapent la démarche. Plus je monte, plus je crée des rageux. Moi je trace ma route, je ne rentre pas dans leur jeu. Rester dans l'ombre et nous dans la lumière. Toi a fait mal au crâne comme une douleur d'une tumeur. Non pas tester la famille des ventres vides. Du haut de ma tour, on va te pousser dans le vide. J'en place une pour MEHR, allez pas haut. Et c'est toujours la merde avec la pierre, on pète les K.O. Si t'aimes pas, cache-toi, si t'aimes plus, reste ici. J'ai le faute à ceux qui verra, c'est tout c'était MC. C'est l'heure des comptes, des coups de fusil à pompe retentissent. La délinquance est multipliée par 10. Faut que ça tourne à chaque fin du mois. On squatte la SACM pour encaisser les mappés, ça. C'est l'heure des comptes, des coups de fusil à pompe retentissent. La délinquance est multipliée par 10. Faut que ça tourne à chaque fin du mois. On squatte la SACM pour encaisser les mappés, ça. C'est l'heure des comptes qui s'en rendent compte, viens pas du même endroit. Combien on leur doit, viens on les baise avec un chèque en bois. Ça se fait pas, mais je le fais, des billets mal frappés. Tu veux de la 9-9, on va te la charcler. J'suis pas signé chez Barclay, j'fais que de barber. J'ai jamais le droit à l'accès, j'ai jamais la clé. J'en ai marre, j'ai tout essayé. Toi m'afficher, j'fais dans la savonnette. Ouvre le paquet, c'est du Marseillais. J'marche avec de l'espèce, tripette, des albums vaporisés au Fébrez. L'American Express, quartier disciplinaire, EBS, DPS, GPS. Tu vois pas le truc, tu fais pas le gel. On accepte pas de pièces, on accepte pas de rouleau. Ne fais pas ton agro, m'envoie pas un seul taureau. Plein de wesh, crois une fois certificat d'hébergement. J'aimerais les insulter pendant mes jugements. C'est l'heure des comptes, des coups de fusil à pompe retentissent. La délinquance est multipliée par 10. Faut que ça tourne à chaque fin du mois. On squatte la SACM pour encaisser les mappés, ça. C'est l'heure des comptes, des coups de fusil à pompe retentissent. La délinquance est multipliée par 10. Faut que ça tourne à chaque fin du mois. On squatte la SACM pour encaisser les mappés, ça. L'heure des comptes à petit feu, depuis c'est pas j't'en veux. Avant tu piches ta route, toujours la merde, donc rageux. Toujours les mêmes en cash, engagés, énervés. Bro, du rap qui t'égorge. T'as des comptes à me rendre, bâtard. Tu vas m'entendre, ma rime sur la tente. Tu vas comprendre que tes lois, ta grand-père, j'n'ai rien à m'apprendre. Garde sur table, on va faire le point. Parler de ton carge, dans ton car, tu rouleras plus tard ton 6 juin. Eh salope, paraît-il que je t'égaloche. Mais c'est la 2SX, veut dire tout simplement que t'en proche. Belle ou moche, aucun compte à se rendre. J'étais torché, malgré ça, je ne fourre pas ma langue dans des torchons. Quand ton rappeur a deux balles, si j'avais hoche, rien que ça m'y donne à s'inventer des vides bonhommes. Des histoires frageurs, en vrai un bouquet de fleurs dans le cœur. Sans le bitume, même pas la cote d'un vulgaire branleur. C'est l'heure des comptes, des coups de fusil à pompe retentissent. La délinquance est multipliée par 10. Faut que ça tourne à chaque fin du mois. On squatte la SACM pour encaisser les mappés, ça. C'est l'heure des comptes, des coups de fusil à pompe retentissent. La délinquance est multipliée par 10. Faut que ça tourne à chaque fin du mois.